Ma peine désir y'a donné y'a c'est ta main mais t'es non mais n'a acha y'a t'es y'a souvango n'est pas n'a mais n'a oui n'est pas n'a n'est pas n'a mais Na we Yesu, ni we nyomba, a o popo, te kila seko, ya ma isha yango ni fanane, na we, ni e ni fanane, ni fanane, na we Yesu, Niwe nyomba, apopo tekila seko, ya maisha yango nefanane na uwe. Ule voja, kila pengu, la mako, Sayango ataniku tomekie baba nefanane nawe nefanane nefanane nawe Yesu niwe nyomba Apopo tekila seko ya maisha yango nefanane nawe baba nifanane nifanane nawe Yesu niwe nyomba Apopo tekila seko ya maisha yango nifanane nawe toka apa kwenda mbinguni kwa safa rezema Nitapasha neno lako Bwana nifanane nawe Mungu nifanane nifanane nawe Yesu niwe niwe nyomba apopo tekila siku Ya maisha yango nifanane nawe Mungu nifanane nifanane nawe Yesu niwe niwe nyomba apopo tekila siku Ya maisha yango nifanane nawe nikukute kule mbingu mokamo ze wangu nisikie neno vema baba nifanane nawe Mimi nifanane, nifanane, nawe Yesu niwe, niwe nyomba, apopo tekila siku, ya maisha yango nifanane, nawe mimi nifanane, nifanane, Nawe Yesu niwe, niwe nyomba Apopo tequila tipu Yamai shayando Nifanani Nawi Nifanani Nifanani Nawi Jesu Niwe Niwe Nyumba Apopo tequila tipu Yamanti shayando Nifanam Kolo nakokana Nakokana Ayot Ayot yes Ata Makana Bese kanyo Sombe polonyo Saya pamoy nangay Nakokana Ayu Kolo nakokana Nakokana Ayo Yesu Ata Akana Bese kanyo Sombe polonyo Kaya pamoy nangay nakokana Nayo kulu nakokana Nakokana Nayo yeso ata Atana Bese kanyo Sombe kulu nyo Kaya pamoy nangay Nakokana Nayo Nifanani Nifanani Nawi Jesu Niwe Niwe Nomba Apapo Tequila Seku Yama Isha Yando Nifanani Nawi Mimi Nifanani Nifanani Nawe Yesu Niwe Niwe Nyumba Apopo Tequila Seku Yama Isha Yango Nifanani Awe. C'est la prière de notre cœur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. De lui ressembler vraiment. Amen. De reproduire ce qu'il était. Amen. Ce qu'il est. Amen. Ce qu'il fait. Amen. Ce qu'il dit. Amen. Tout reproduire pareillement à lui. Amen. Être des disciples accomplis. Amen. Travaillant à sa gloire. Amen. Étant à son image. Amen. Des images de Christ. Amen. Lorsque Dieu exauce cette prière. Amen. Et que dans notre marche, nous nous sentions soutenus. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne deviendrons rien du tout. Sans lui, nous ne finirons nulle part. Il est celui qu'il faut. Qu'il faudra. Et qu'il faut toujours. L'indispensable. Dieu fidèle, nous te remercions maintenant, nous te glorifions, nous t'adorons, nous sanctifions ton nom, nous élevons ce nom, nous les magnifions, car en lui il y a tout. Tu es l'indispensable pour nos âmes. Nos vies sur terre sans toi ne sont rien. Notre vie n'a même pas de sens sans toi. Christ, tu es notre vie. Laisse que tu sois tout ce que nous. Que tu sois tout ce qu'il nous faut. Amen. Et que chacun de nous se soumette à toi. S'allie, s'attache à toi. Nourris nos âmes. Manifeste-nous tes voix. Comme tu as déjà commencé. Continue ton œuvre, Seigneur. Jusqu'à la rendre parfaite. Jusqu'à l'achever. Ô Seigneur. Exauce toutes nos prières nécessaires. Et bénis ces moments. Les temps d'adoration. Que ce soit mémorial. Un souvenir inoubliable. Dans ta sainte présence. Tu auras fait quelque chose pour chacun. Exauce-nous, Seigneur. Et pardonne tout péché. Lave-nous dans le sang. Nous croyons encore à ce sang. N'avait pas coulé en vain. C'était pour du travail vrai. Un travail durable et éternel. Un travail de la rédemption. L'expiation de nos ennemis. Le secours incomparable. Agrée-nous devant toi et garde-nous plus près de toi. Ne laisse pas notre foi défaillir ni nos esprits s'éloigner de toi. Mais nous voulons vivre dans ta sainte présence tous les jours de notre vie. Reste avec nous, Seigneur. Que soit le soutien de proximité. Que ta parole fasse du bien à nos cœurs. Console les cœurs affligés. Nos frères et sœurs éprouvés, ceux qui sont faibles, console et fortifie les saints. Tu es la pension qui satisfait pour nous. Auprès de toi se trouve la vraie consolation, la fortification de l'homme intérieur. Tu peux le faire puissamment. La grande puissance que tu as de dominer sur tout. Tu peux rendre fort l'homme intérieur de Jésus. Nous les réclamons au nom de Jésus pour qu'il en soit ici. Que la gloire te revienne. Puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Cette soirée d'adoration, mais continuons notre méditation pour être exhorté à voir ce que Dieu fait en notre temps. Nous continuons à nous exhorter l'un l'autre. Marc chapitre 9. Malako mukapo elibwa. Nous prenons le verset 11 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'il vienne premièrement? Il répondit: il y viendra premièrement et rétablira toute chose. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Batuni yete, ponanini bakomile baloba, bakorobaka yete, ekokina Elia koya liboso. Ye alobina bango yete, solo, Elia zali koya liboso, pona kobongisa makambonyoso. Ekomami mpe boni na likambo na mwana na moto. Yete akoloka mpasi na ntina na makambo mingi mpe akotolama. Ndengai nazali koloba na bino yete Eliasili koya mpe basaleli ye na motindo molingaki bango lokola ekomami mpona ye. Nous lisons dans Esaïe 57. Tokotana na Esaïe mukapo ya tukumitano na sambo. Le verset 14. On dira: frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et kolobama ete, tombola, tombola, bongisa nzela, longola mabaku, nyonso nzela na bato na ngai. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Notre bienfaiteur. Seigneur, pour partager cette portion d'exhortation qui au fait est une suite de la prédication que nous avons. Le sujet de commission de William Branham. Et nous sommes en train de voir la première commission de William Branham. On a répertorié les trois là. Comme je vous l'ai dit, donc la première, c'était le 11 juin 1963. La deuxième est du 6 mai 1946. La troisième et de mars 1962, la date précise n'est pas donnée. Et au mois de mars 1962. Alors, dans la première commission, nous avons dit que Dieu a comparé son prophète William Branham au prophète Jean-Baptiste. Et dans la deuxième commission, Dieu a comparé son prophète William Branham au grand prophète d'Israël, Moïse. Dans la troisième commission, Dieu ne l'a comparé à personne avant. Et là, il lui a ordonné d'emmagasiner la nourriture, et cette nourriture de manière très particulière, c'est la révélation des sections. Mission dévolue à ce seul prophète, et aucun autre prophète avant lui n'a eu à faire quelque chose de. C'est très important. Les choses de notre Dieu, nous sommes les enfants de sa maison, et il nous appartient de bien connaître cela. Amen. Amen. Alors, dans la première commission, celle du 11 juin 1930, hier nous avons demandé à la technique, parce que la brochure n'était pas là, mais je l'ai ramenée aujourd'hui. Je suis allé dans les rayons où elle était. Je l'ai tourné les regards vers Jésus. Nous avons lu cette version de la voix de Dieu. La version de la voix de Dieu. Mais j'ai ici à main la version de Suisse. Alors dans la voix de Dieu, c'était le paragraphe 51. Mais ici, le paragraphage est différent, comme on l'avait vu la semaine passée. Je prends le paragraphe 37. Et dit, nous en sommes maintenant plus proches, donc, de la manifestation du troisième pulmien. Nous en sommes maintenant plus proches qu'il ne semble. Je ne sais pas quand cela viendra. Mais c'est très très proche. Est-ce que tu prends conscience? Il ne va pas dire, mais il y a beaucoup d'années qui vont risquer d'être surpris. Que Dieu qui a préparé son église, qui a ôté tout obstacle, qui a enlevé tous les scandales, pour permettre à l'église de progresser, tous les préliminaires qu'il devait, il a amené l'église à la phase finale, mais vous étiez dépassé. Nous en sommes maintenant très très proches. Ça fait pito belemi de la manifestation de ce troisième coup. Il se peut que je construise une plateforme pour que quelqu'un d'autre y marche. Et que je sois enlevé avant qu'elle ne soit terminée. Là, c'est le sermon du 29 décembre 1963. Il se peut que je construise une plateforme pour que quelqu'un d'autre y marche et que je sois enlevé avant qu'elle ne soit terminée. Je ne sais pas. Bon, il y a des gens qui prennent des bouts de phrases comme ça. Mais ça va être un peu de là où Frère Branham dit il se peut et tout ceci. Et voilà. Il s'agit d'un autre leader. Il nous parle de notre leader ici. Falsifiant le message. Depuis quand Dieu doit-il prophétiser par un peut-être? Un programme qui vient de Dieu est un oui et amen. Lorsqu'il y a des supputations qui sont faites, des hypothèses qui sont formulées, vous faites bien de les garder dans cet état-là. Il ne faut pas se dire, non, ici il parlait de plein d'intérêt. Mais s'il parlait de frère Intel, pourquoi il n'a pas cité carrément? Ce qui, avant d'avoir un endroit, son groupe n'a pas été comme on a été. Oh non, c'est le cas. Non, non. Ne falsifiez pas la parole de Dieu. Ne mélangez pas vos idées. Respectons la parole de Dieu. Il se peut que je construise une plateforme pour que quelqu'un d'autre y marche et que je sois enlevé. Il ne dit pas que je meurs, mais que je sois enlevé avant que ne soit terminé. Maintenant, les uns prennent le mot enlèvement et remplacent par la mort. Vous voyez, comme a dit Frère Branham, donc il était mort, c'est pour permettre à son successeur de prendre la mort. Falsifiant les choses de saint. Mais accusant les autres d'être les falsifiants. Eux-mêmes, falsifie. Nous ne voulons pas de cette hypocrisie-là. Nous voulons la sincérité. Le message est venu pour nous préparer. Ce n'est pas dans la complaisance et les flatteries que nous allons entrer au ciel. Nous devons être sérieux avec cette parole de Dieu. Laissez-la telle qu'elle. Est-ce que l'Église dit amen? Laissez chaque parole telle qu'elle. Il dit, je ne sais pas. Et il se peut que le Saint-Esprit vienne la semaine prochaine et amène Jésus-Christ. Bon, ceux-là qui ont dit, il a construit une plateforme pour que son successeur vienne. Mais pourquoi ils ne prennent pas ils prennent pas la phrase. Donc, ils les appellent ça. Ils prennent une phrase pour aller défendre leur leader. Et ils mettent des quelle ruse, quelle malice. La malhonnêteté. Soyons sérieux. Parce que la phrase qui suit, il se peut que le Saint-Esprit vienne la semaine prochaine et amène Jésus-Christ. C'est le même langage. Il se peut que, il se peut qu'il vienne la semaine prochaine, mais il n'est pas venu la semaine prochaine. Et Frère Branham n'a pas été enlevé, n'est-ce pas? Les hypothèses sont les hypothèses. Il peut même venir ce soir. C'est-à-dire le 29 décembre 1963. Là. Mais il n'est pas venu ce soir-là. Il peut même venir ce soir. Mais il n'est pas venu ce soir-là. Il n'est pas venu la semaine qui a suivi. La première semaine de l'an 1964. Il n'est pas venu ce soir-là. Ce ne sont que des réflexions qui sont faites. Il faut garder tel quel. Il peut même venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne nous les dit pas. Mais je crois réellement que le temps est tellement proche que je ne mourrai pas dans un âge avancé. J'ai déjà 54 ans. Et je ne pourrai atteindre un âge avancé avant qu'il ne soit là. Je peux être tué par balle ou de n'importe quelle manière, mais je ne mourrai pas simplement de vieillesse. Est-il mort par balle? A-t-il été tué De n'importe quelle manière. Est-il mort de vieillesse? Au moins, il ne mourra pas simplement de vieillesse. Ok. Maintenant, il est mort à l'hôpital de suite d'un accident mortel. Mais que quelqu'un a pris la balle pour tirer sur lui, pour menacer sa sécurité, ça, ce n'est pas arrivé. Mais il avait conscience que Dieu seul savait quand et comment il quitterait ses morts. Mais qu'il ne mourrait pas de vieillesse. Et ça, c'est arrivé. Parce que là, c'est une affirmation. Je ne mourrai simplement pas de vieillesse. Ça, c'est un oui. Il a dit un non à la mort par vieillesse. Okay. J'aimerais dire quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant. Tout est arrivé exactement selon l'Écriture. Ce qui est arrivé au premier Élie là, avant la première venue de Christ, selon ce qui est écrit de lui. Maintenant, ce qui est arrivé dans le déroulement de son message, Frère Branham nous le dit clairement, que tout est arrivé exactement selon l'Écriture. Ça vous fait du bien aussi que le Dieu des temps de Jean-Baptiste, il est le même Dieu dans notre temps. Il continue à tout faire d'après les Écritures. Et selon ce qu'il a dit il y a 33 ans, sur la rivière là-bas, en bas, c'était en 1933 plus tôt. Alors, il dit ceci, il se peut que ça ne soit pas moi qui présente Jésus-Christ au monde. Mais le message le fera. C'est la phrase que nous avons voulu projeter hier, mais que nous avions ratée. Et il se peut que ce ne soit pas moi qui présente Jésus-Christ au monde. Dans cette optique-là, dans cette hypothèse-là, sachez alors que vous ne serez pas désespéré. Ni déboussolé, ni perdu dans l'état et dans l'espace. Même s'il arrivait, l'homme que vous espériez voir présenter Jésus-Christ au monde à sa venue, ne soit plus en scène physiquement. Mais sachez que le message le fera. Car, de même, il récite la commission de 63. Car, de même, que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue. Ainsi, le message est envoyé comme précurseur de la seconde venue. Un précurseur, c'est celui qui est envoyé au devant d'un chef, d'une autorité, pour préparer le terrain à son arrivée. Et Jean-Baptiste, sachant qu'il était son précurseur, en son temps, il a pu dire ce que nous lisons ici dans Jean chapitre 3 au verset 28 et 29, verset 28 à 30. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais oyo, azumwasi na libala, azali mobali na libala. Oh, je suis allé au verset 29. Commençons verset 28 annoncé. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Après Christ, c'est ça. Bino penza, vous allez contacter la ete, Nalobakiete, Nazali, Ngai, Kristo te, kasi ngai, motinda miliboso na ye. Donc avant que lui ne vienne, j'ai été envoyé. Yambote ya ya, ngana tizamaki. Voilà la pensée. Mais lui n'était pas le Christ. Mais il était envoyé avant le Christ. Devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là, et qui l'entend, trouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, la mienne est parfaite. Et le précurseur, il maîtrisait le mouvement de celui qui l'a envoyé. Le précurseur était comme un intermédiaire entre le chef et le peuple. Préparez-vous. Il vient bientôt. Il va faire ceci. On prépare les temps. C'est comme il y a le passage du roi des Belges, avec son épouse la reine Maltine. Le Congo RDC présentement. Ils sont venus seulement comme ça. Ou bien leur venue était préparée. N'avez-vous pas entendu parler de ça dans les médias? Et quand les choses n'étaient pas prêtes, n'ont-ils pas reporté leur voyage? En 2020, à cause du coronavirus, pendant qu'on reportait là, le voyage n'était pas annulé. Le programme était toujours là. Il viendrait. Et aujourd'hui, 2 ans après, il est venu. Et ils sont en train de suivre un programme préétabli, dont les détails circulent même dans les réseaux sociaux. Le programme du protocole du président. Tout ce qu'il doit faire, partout il doit passer, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit dans ce programme. Premier jour là, Kinshasa, après il doit aller à Lubumbashi, après il doit aller vers l'Est. C'est déjà écrit. Il n'y a pas d'improvisation. Même le fait qu'il devait décorer le dernier des anciens combattants, le survivant des anciens combattants. Il y a un survivant. Il va totaliser 100 ans. Le roi est allé les décorer. C'est la place des anciens combattants. Vers le rond-point Forescom. C'est fait et c'était prévu. Un roi de la terre peut faire ça. Qu'en est-il du roi des rois, le Seigneur des cieux? Il va seulement comme ça sans prévention. En laissant les gens dans les désordres, chacun peut voir. Dieu est très sérieux. Il responsabilise des personnes précises. Jean-Baptiste n'était pas tout le monde. C'était un individu parmi tant d'autres. Et c'est lui qui était envoyé devant le Messie. Personne d'autre. Lui c'est le. C'est très sérieux avec Dieu. Ce qu'il a fait à la première venue est en train de se répéter ici avant la seconde. Et Jean dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, à cause du message de l'époux. L'époux lui chuchote des choses, va dire ceci, va faire cela, et lui il est sûr que c'est l'époux qui l'a fait. Et il le fait avec joie, étant certain de qui l'a mandaté. Continue. Mais les aventuriers peuvent venir chacun à son nom. Agir de sa propre autorité. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'improvisation. Tout doit arriver selon ce qui est écrit. Demain, vous l'entendez lire et ce soir, vous l'entendez lire. Il dit alors, aussi cette joie qui est mienne est parfaite. Il dit au verset 30, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et coquina yete akola monene. Et coquina na yete naya moke. Parce que c'était si sérieux. C'est ça qui me laisse un mot. Il a dit ceci. Alléluia. Dans Jean chapitre 1er. Yohana mukapayambo. Verset 26. Jean le répondit. Yohana yarora kibango. Moi je baptise d'eau. Mais, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vient après moi. Lui le connaissait. Parce que lui, Jean, était l'ami de l'époux. Il connaissait ce quelqu'un-là qui viendrait après lui. Mais eux, le peuple, ne le connaissait pas. Et c'est lui, Jean, qui devait le leur présenter. En tant que précurseur. Il dit ceci. Verset 29. Le lendemain, après qu'il ait donné la prédication que nous avons lue au verset 27. Un jour après, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez, verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifeste à Israël que je suis venu baptiser nous. Vous voyez que Jean n'est pas venu transmettre une connaissance charnelle. Jean savait qu'il y a quelqu'un au milieu du peuple qui venait après lui. Le même Jean connaissait que Jésus de Nazareth était son cousin. C'est Rocher. C'était son cousin, né de son autre maman là. Parce qu'Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, avait un lien de parenté avec Marie, la mère de Jean-Baptiste. Et dans la proclamation du royaume de Dieu, ce n'est pas cette connaissance charnelle qui a prévalu. Il a fallu une manifestation surnaturelle. Il a montré au prophète Jean le signe de Dieu. Voilà celui qui vient après toi. Ce n'était pas un arrangement familial. Mais j'ai été sûr qu'il était là-bas au milieu. Et que le peuple ne le connaissait pas. Mais lui, Jean le connaissait. C'est la chair. Mais ce n'est pas cette connaissance-là qui a prévalu. Quand le surnaturel se manifeste, alors Jean fait la mise au point. Moi aussi, je ne le connaissais pas. Est-ce que les cousins ne se connaissaient pas? Les cousins ne se connaissaient pas. Alors que les familles se fréquentent. Donc, il se connaissait selon la chair. Mais ici, au niveau du ministère, faites la part des choses. Si nous avions connu déjà selon la chair, même Christ selon la chair, ce n'est plus le temps de le connaître comme cela. Nous devons connaître les uns les autres par révélation. Et la révélation se manifestera. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais c'était afin que lui soit manifesté à Israël. Moi, j'ai été envoyé baptisé d'eau. Comprendre qui peut. Au sujet du même Jean. Dans Luc chapitre 1er. La parole avait dit ceci. Au sujet de l'enfant Jean. Verset 76. Luc 1:76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Jean-Baptiste comme étant prophète. Et quand on l'avait questionné lui-même, il a dit qu'il n'était pas le prophète. Mais Dieu a dit de lui ça. Et cela vaut la peine. Voyez frère, il était déjà prédestiné dès sa naissance à marcher devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Pas étonnant que le Seigneur, pour venir être présent à son peuple, il est passé par le ministère de Jean-Baptiste. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue. Il a vécu jusqu'à présenter littéralement Jésus-Christ. Je reviens à la citation ici. Il se peut que ce ne soit pas moi qui présente Jésus-Christ au monde. Mais le message le fera. Car citation de la commission, car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi le message est envoyé comme précurseur de la seconde venue. Aimez-vous le message? Amen. Prêterez-vous attention au message. Frère Branham a répété plusieurs fois. Ne faites pas tant qu'à du messager. Mais prêtez votre attention sur le message. Malheureusement, il y a des gens qui ont prêté toute leur attention au messager. En transgressant l'ordre même que le messager leur donne. La parole que le messager nous donne. Vous ne faites pas ça. Que votre attention soit braquée sur le message lui-même. Ne désespérez pas en fonction du messager présent ou pas. Le message est envoyé comme précurseur de la seconde venue. Ça veut dire que le message fonctionnera et vivra, travaillera jusqu'à la venue littérale de Jésus-Christ. Mais le messager lui-même peut ne pas être là. Parce que ce n'est pas lui le précurseur. Mais c'est le message qui est le précurseur. C'est le message qui prépare le terrain. Êtes-vous là? Hein? Et alors Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, tout s'est accompli. De manière parallèle. Et je sais qu'il en sera ainsi. Le message ira de l'avant. Vous voyez que quand on a lu ça hier dans la version de la voix de Dieu, c'est pas, ça ne sort pas très clairement. Alors, est-ce que... Ah, voilà. Pouvez-vous mettre encore la version de la voix de Dieu? Paragraphe 51. Oh non, allez, 52. Je vais dire ceci. Je ne l'ai encore jamais dit. Mais selon l'écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas sur la rivière, en 1933 plutôt, ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement tel quel. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferait, Vous comprenez le problème? Quand tu l'imènes à une place, non, vous comprenez le problème. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferait. Non. Il se peut que ce ne soit pas moi qui présente Jésus-Christ. Allons-y. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferait. Mais son message présentera Jésus-Christ au monde. Avançons. Car, comme Jean-Baptiste est envoyé comme précurseur de la première venue, le message sera le précurseur de la seconde venue. La passée à la main, c'est le message du précurseur. Maintenant il dit. Non, avançons encore. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, alors il y a été comparable en tout point. Et je sais qu'il le fera. Que le message continuera à avancer. Mais suivez plutôt cet extrait-là. Comment c'est traduire. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez bien. Ainsi, tout s'est accompli de manière parallèle. Et je sais qu'il en sera ici. Donc le départ est le même, le cheminement sera le même, l'aboutissement sera le même. Parallèle, comparable. Mais ici on dit, il y a été comparable en tout point, et je sais qu'il le fera, que le message continuera avant. C'est flou. Pour être franc, c'est un peu flou. Mais la pensée est celle-ci. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, tout s'est accompli. De manière parallèle. Maintenant, quand quelqu'un s'arrête juste à cette phrase, il dit, après le problème, Jésus-Christ est déjà venu. Monsieur, pourquoi tu dis ça? Oui, c'est parallèle. Jean a dit, la nuit de Dieu est là. Et Frère Branham a fait des mains. Elle dit que Frère Branham a fait des mains. L'accusation vous dit d'abord que ce n'est pas Branham qui est le précurseur, mais c'est le message qui est un peu compliqué ça. Et c'est même que Jean a présenté l'agneau au monde. Et même le message et non pas Branham présentera Jésus-Christ au monde. Qui est amené à la vérité. Le parallèle c'est ça, c'est ce qu'il dit. Tout s'est accompli de façon parallèle. Le Seigneur lui-même a tiré le parallèle. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste. De même que je t'envoie. C'est là qui a envoyé Jean-Baptiste et le même qui a envoyé William Branham. Jean-Baptiste a apprécié son message. William Branham a apprécié son message. Comparaison. Mais arrivé à la présentation de Christ, nous sommes partis d'un parallèle. Et on arrive à la fin, c'est le message qui présentera Jésus. Il dit, tout s'est accompli de manière parallèle. Et je sais, non pas qu'il en a été ici. Il en sera ici. Il en sera au futur. Mm-hmm. Le message fera ce que Jean-Baptiste avait fait. Aussi. Soyez encouragés à partir des parallèles que vous avez déjà vus là. Et de la précision que le Seigneur met dans la commission. Cela vous rassure. Dieu ne faillira pas. Il en sera ici. Et le message ira de l'avant. Nous disons Amen. Prenons les questions-réponses du 12 janvier 1961. Question et réponse du 12 janvier 1961. Paragraphe 384 et 385. Il dit ceci. Écoutez, écoutez frère. Je vous adjure devant Christ. De vous tenir un peu tranquille. Mais si vous étiez spirituel, vous comprendriez. Et ce soir, je dirai la même chose. Les gens spirituels qui sont dans la salle comprendront. Cette histoire d'Élie, ça demande la spiritualité. Le Seigneur a dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. Si vous voulez le comprendre, et si vous êtes spirituel, vous comprendriez aussi. Vous voyez? Ne connaissez-vous pas la toute première chose qu'il avait dit là à la rivière? Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il a dit? Et il appelle ça de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Un message. Commentaire. C'est le message qui préparera la seconde venue de Christ. Amen. C'est ce qu'a dit l'ange du Seigneur. Et c'est ce que les élus de Dieu croient clairement. Sans polémique. C'est ce qu'a dit l'ange du Seigneur. C'est pas Branham, mais c'est le message qui préparera la seconde venue de Christ. Bon, remarquez maintenant, de même que Jean-Baptiste, vous en avez tous entendu parler. Vous l'avez lu dans les livres. Et avez entendu parler ceux qui étaient là. Et qui ont entendu cela. Et tout le reste. Quand cet ange lui-même donnait son message. Disons. C'est même que Jean-Baptiste est envoyé pour préparer la première venue de Christ. Il est envoyé avec ce message qui préparera la seconde venue de Christ. Et bien, le message. Et l'Église dit le message. Et il y a des gens qui n'aiment pas le message. Qui ne veulent pas entendre ce mot message. Qui dénigrent les critiques, même ceux qui le font. Avez-vous un problème avec le message? Comme la question avait été posée au stade de Tata Raphaël. Oh, tabernacle, c'est sûr. Donc, que Dieu soit miséricordieux. Les bavards religieux. On a posé la question directement par frère Franck. Qui ont un problème avec le message? Ouais. Kimi. On commence à demander. Mais c'est vous qui parlez. Que Dieu soit miséricordieux. Nous n'avons pas de problème avec le message. L'ange a mentionné message. Moi j'appelle ici sango. Et nous aimons le message. Et frère Branham dit, eh bien, le message. Mais comment est-ce que c'est message? Moi, je l'ai dit, mais sang. Et nous disons, message. Vous voulez quoi? Nous voulons le message. Amen. Ça va vous amener au ciel. C'est ça qui prépare la seconde venue de Christ. Alors, ne vous amenez pas vos histoires. Nous voulons le message. Pas vos doctrines, mais le message. Pourquoi la Bible fait sang? Que Dieu bénisse l'âme qui croit. Amen. Je vais lire encore ici, convenablement, dans la prédication qui est celle-ci, du 4 octobre 1959. Paragraphe 31, je prends la deuxième partie du paragraphe. Bon, lisons même tous les paragraphes. Les gens avaient des rameaux à main. La première fois là. Ils les avaient les vêtements sur leur dos, prêts à les étaler sur le chemin. En disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant la question, qu'est-ce qui vient au nom du Seigneur? Réponse, le Saint-Esprit. Il vient au nom du Seigneur. Dans notre temps, c'est le Saint-Esprit. Celui qui travaille au nom du Seigneur. Celui qui accomplit l'œuvre du Seigneur. Dans l'église, parmi les hommes. C'est le Saint-Esprit. Quand il sera venu, le Seigneur a dit, il vous montrera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il parlera de moi. A dit Jésus. Suivez maintenant. Et le Saint-Esprit vient pour accomplir ses œuvres au nom du Seigneur. Jésus. Depuis la chair jusqu'au baptême. Au service de guérison. Partout ailleurs. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Donc, il accomplit les œuvres au nom du Seigneur Jésus. Depuis la chair jusqu'au baptême. Il dit, en attendant la venue du Seigneur, il prépare une église. Lui, le Saint-Esprit. Hein? En attendant la venue du Seigneur. Il prépare une église en tant que précurseur. Comme Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue. Prépara une église pour la seconde venue. Un esprit pervers, lis encore ça. Conclusion des ordonnées. Vous voyez que Frère Branham, il est le Saint-Esprit. Il va dire ça. C'est qu'en attendant la venue du Seigneur, c'est un esprit qui prépare une église comme précurseur. Or, Frère Branham lui a été dit, lui a donné le message, tu prépareras la seconde. Donc, Branham c'est le Saint-Esprit dans notre cas. Mensonge. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons la vérité. Ici, en parlant du Saint-Esprit, il s'agit du Saint-Esprit. Qui montre que même quand l'homme que Dieu utilise, il doit mettre le message de préparation. Quand cet homme ne serait plus là, mais le Saint-Esprit qui a donné la commission continuerait à veiller sur la parole pour l'exécuter et l'accomplir. Pour atteindre tous les objectifs de Dieu. Notre message est-il du Saint-Esprit? Ou de William Branham? Notre message est-il du Saint-Esprit ou de William Branham? Si vous dites de William Branham, c'est Branham qui a inventé ça. Et qui nous prêche un message selon lui. Ce qui est faux. Branham, il a dit que tout ce qu'il a prêché, il a appris sur ses genoux. À travers les prières adressées à celui qui donne l'inspiration, l'onction et le message. Dieu. Quand il a prêché sur le cerceau. Est-ce que lui pensait? Mais c'est que l'ange venait lui communiquer. Jour après jour. Ça veut dire que ce n'était pas lui l'auteur. Il était un transmetteur. Il transmet ce qui lui a été donné. Comparable à Jean-Baptiste a dit dans Jean 3, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été envoyé du ciel. Lui-même, Jean n'avait rien de lui-même. C'est que le ciel lui avait envoyé. En attendant la venue du Seigneur, le Saint-Esprit prépare une église. Êtes-vous l'un d'eux? En tant que précurseur. Comme Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue. Le Saint-Esprit est dans l'église. Faisant le précurseur. Préparant une église pour la seconde venue. Ça vous fait du bien ça? Vous voyez là qu'il est là jusqu'à présent. Branham peut être réparti. N'arrête pas le message. Le message doit aller de l'avant. Parce qu'il est le Saint-Esprit qui l'actionne. En attendant la venue du Seigneur, il prépare l'église en tant que précurseur. Comme Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue. Le Saint-Esprit est dans l'église. Faisant le précurseur. Il prépara une église pour la seconde venue. Et le monde s'écrie, qui est celui-ci? D'où sont-ils venus? Quelles sont les références? Dans quelles écoles sortent-ils? On ne les trouve sur aucun document. Et là, ils se trouvent dans la gloire d'où ils viennent. C'est au ciel qu'ils sont enregistrés. En effet, le royaume n'est pas de ce monde. Mais il est du monde à venir. Leur désir n'est pas porté sur ce monde. Il est porté sur le monde à venir. Quand même que leur monde et leur désir. Que le Saint-Esprit prépare comme ça. Nos désirs et nos modes ne sont pas de ce monde. C'est la raison pour laquelle leur habillement, leur comportement et leurs habitudes sont si contraires à ceux des gens du monde. Ça, c'est la situation de ceux qui se préparent à l'enlèvement. Et tu l'aimes dont les désirs et les modes ne sont pas de ce monde. Tu ne veux pas regarder le monde et imiter pour reproduire le monde. Toi, tu regardes le ciel où tu vas. Tes inspirations sont là-bas. Tes idées viennent de là. Tu es enregistré là-bas. Dans la gloire. Sois fier de ça. Maintenant, un dénominationnel peut dire ça. Votre frère Branham lui-même. Il a dit que le Saint-Esprit est dans l'église. C'est ça le précurseur. Préparant l'église pour l'enlèvement. Donc on n'a pas besoin de message de Branham. Mensonge. C'est le même Saint-Esprit qui a commissionné William Branham. Dieu ne peut pas se renier. Il ne peut pas renier ses voix. Dieu ne se contredit jamais. Vous devez saisir la vision correctement. Le Saint-Esprit est dans l'église. Préparant une église. Faisant le précurseur. Amenant la différence dans le monde, les désirs, les habitudes, l'habillement de ceux qui sont dans ce programme de Dieu. Mais ça ne se fait pas en dehors du message de l'heure. Cette préparation-là ne se fait pas en dehors du message de l'heure. Parce que c'est le message qui est le précurseur. Et ce message est du Saint-Esprit qui agit à travers le message comme précurseur. La parole et l'esprit sont un. Le message et l'esprit sont un. Le message du temps de Noé était Christ. Le message du temps d'Élie était Christ. Le message du temps de Jean-Baptiste était Christ. Le message du temps de Jésus lui-même était Christ. Le message du temps de Paul était Christ. Le message du temps de William Branham est Christ. Le Saint-Esprit en action. Dieu veillant sur sa parole. L'œuvre du Seigneur doit prospérer entre sa main. Les mains de qui? De Paul? De Pierre? Que dit Esaïe 53? L'Éternel doit prospérer aux mains de qui? Messie! De Christ lui-même. C'est son œuvre à lui. Et celui qui la rend prospère. Celui qui la fera réussir. Alors l'œuvre de préparation. Préparation à la seconde venue. Prospérera. Réussira. En main de Jésus-Christ. Les hommes, les serviteurs peuvent passer. Que ce soit frère Franck, que ce soit frère Brennan, que ce soit frère Paul, ce sont des humains qui ont un début sur terre et une fin sur terre. Mais l'œuvre, c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait prospérer. C'est ainsi que, dans Ephésiens chapitre 5 pour terminer, il dit ceci. Au lieu d'entrer dans des débats, qui va présenter l'église à Christ. Hein? Oh, c'est notre leader à nous. Notre homme providentiel, l'homme spécial. Ésaïe chapitre, Ephésiens chapitre 5. Verset 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier. En la purifiant. Et en la lavant. Par l'eau de la parole. Qui fait tout ça? Mais c'est lui-même qui doit le faire. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tâche. Ni ride. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Mettez la version de Darby ici. Le verset 27. Voilà. Il est dit quoi? Afin que lui se présenta l'assemblée à lui-même. Afin que lui, Christ, puisse se présenter à la fin de toute l'œuvre ici. Lui-même prépare l'église. Il la nettoie. Il la lave par le droit. Lui, Christ, la sanctifie. Et à la fin du processus, il se la présente à lui-même. Lui-même qui l'a façonné, qui l'a sanctifié, qui l'a lavé par le sang, il se la présente à lui-même. Vous saisissez? glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Quand il y a eu des bruits ici dans l'église, nous avions convenu dans une version de poser certaines questions à frère Franck, dont il était question ici, certains les défendaient à outrance. Alors, dans mon questionnaire, j'avais demandé, dans le milieu des messages, cher frère Franck, il y a certains qui disent que c'est frère Branham qui doit ressusciter pour présenter l'épouse à Christ. Et ça, bon, monsieur, vous avez compris. Il y en a d'autres qui disent que c'est vous qui, selon Matthieu 24:45, Jésus doit venir le trouver. Yes, que ça et ça au travail et que c'est comme vous voyez, il y a présenté l'église à Christ. Ecclesia la Christ. Qui dit vrai? Non, je ne pas. Il a répondu par ce verset. C'est Christ qui va se présenter à lui-même. C'est bien. Amen. Comme ça, les doctrinaires de fausseté. Ni Branham qui doit ressusciter. Ni moi Franck obligatoirement. Mais la parole dit que Jésus-Christ va se présenter lui. Mais dites pas, où commence ça? Crois la parole. Ne me pose pas moi de question. Je ne suis pas l'auteur de la parole. Ou, comment vous dites ça? Et comment mi bongo? Il va se présenter cette église à lui-même. On a il faut se connecter à Krefel. Christ va se présenter. Toi, tu vas continuer à te connecter à Krefel. Tu n'as pas de relation avec Christ. Tu es un volanganais. Vous voyez, les volanganais, ce sont les troubles, le fait, les désordonnés, les gens de désordre. Mais ça, c'est un peu bon, non? Hmm? Kimpungu le montu. C'est pas bon. Il faut être correct dans la vie. Quand Dieu dit des choses clairement dans sa parole, soumettez-vous à la parole. Bon, parce que ce qui arrivera, c'est ce qui est déjà écrit. C'est que tel frère là, il insiste. Sa manière de faire. Nous n'avons rien à voir avec ça. Dieu fera s'accomplir ce qui est écrit. Oui. Il le fera. Qui va vous présenter à Christ? Christ lui-même. Amen. Le Saint-Esprit. Moi, mon sang. Ne éloque ou un abat fanatique va vous cocamoter. Amen. Ou y est bien bon ou bête y est vraiment canon. Oh, mais vous êtes bizarre. Mais nous prenons vous avez Dieu ne fait rien. D'abord le prophète. Oui, c'est vrai dans son contexte. Où en est-il malheureux? Son père est par rapport au moment du retour de Christ. Il est déjà prévu qu'il va se la présenter lui-même. Bon, vous savez, c'est lui qui a compté ce qu'il est. Nous n'allons pas charger la parole. Comment pour vous faire plaisir? Pourquoi t'as fait ça? Nous croyons tel que c'est écrit. Vous allez commander dingue commande. Que Dieu vous bénisse. C'est que vous avez aimé? Amen. Vous persévérerez? Amen. Ne dites plus où est le précurseur. Comment il a pris le précurseur de sa vie? Attachez-vous au message. C'est le message qui prépare la seconde venue. Si vous vous détachez, donc vous ne serez pas prêts. Tenez-vous prêts. Mettons-nous debout pour la prière. Mon Dieu, prépare à toi, prépare à toi, c'est la mort, c'est la mort de ma foi, être plus près de toi. dans le jour. Prépare l'église. En tant que Saint-Esprit. Tu y es dans l'église. Tu y travailles de la façon. Utilisant le matériel que tu as disposé toi-même. Le message de préparation. Venu de Dieu. Commissionné par Dieu. Inspiré de Dieu. Oh Seigneur. Ne nous laisse pas négliger ta voix. Pour suivre les voix des hommes. Pour le rester dans ta pensée. Tiens-nous plus près de toi. Ne nous laisse pas défaillir. Ne nous laisse jamais nous égarer. Ne nous laisse jamais nous embrouiller. Nous voulons nous tenir près de toi. Marcher devant ta face. Sans obstacle. Ni aucun scandale. Comme le message a été prévu. On ira faire le enlever tout obstacle. Du chemin de mon peuple. Frère, tu travailles en ce temps. Selon les Écritures. Pour confirmer la parole. Stimule notre foi. Utilise-nous près de toi. Manifeste-nous tes promesses. Accomplis chaque idée. Dans les puissants noms de Jésus-Christ, remplis-nous de saintes, remplis-nous de ta gloire, pour que nous soyons des vases d'honneur. Au nom de Jésus-Christ, garde tes enfants, maintenant que nous voulons nous séparer. Les uns habitent loin. Les autres peut-être au quartier. Mais tous nous avons un même Dieu. Le bon berger et gardien de notre âme. Donne à chacun les déplacements dans l'église. Et un atterrissage empêche lui. L'insécurité, il y en a presque partout. Mais toi, tu es notre haute retraite. Tu es le nom qui nous sécurise. Notre refuge, c'est toi. Exauce toutes les prières faites. Mais conduis chacun de nous dans la chaîne des prières. Prier en esprit. Et à être fidèle au poste et de moi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, sois avec nous. Quand les travaux reprendront bientôt, d'ici ce samedi, sois avec nous, Seigneur, sur le chantier de l'église. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Okay.